J'm'en tape. J'm'en tape. C'est comme ça et j'm'en tape. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel, et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler du minimalisme. Le minimalisme, c'est une sorte d'art qui consiste à épurer son espace de vie et à se limiter à certaines possessions pour ne garder que l'essentiel. En gros, c'est choisir de consommer différemment, vivre mieux avec moins de choses pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Dit comme ça, ça a l'air d'être l'inverse de la réussite sociale où il faut toujours plus. D'ailleurs, les SDF sont de vrais minimalistes, pas forcément par choix, c'est plutôt ça le problème. Du coup, je vais créer une chronique minimaliste, alors à la semaine prochaine. Non, je déconne, je vais quand même vous raconter 2-3 trucs. Il y a quelques années, je ne maîtrisais absolument pas cet art. Au contraire, j'achetais ce que je voulais sans trop me soucier de l'utilité, et je pensais que c'était ça la liberté. J'habitais un grand appartement rempli d'objets en tout genre, de vêtements et puis de meubles pour ranger toutes ces choses. Et je ne voyais pas vraiment en quoi c'était un problème. Le vide me faisait peur, donc je remplissais les espaces pour me rassurer. Bien sûr, j'avais pas conscience de ces peurs à cette époque. Et quand je me sentais moins bien, eh bien, j'achetais de nouvelles choses qui me permettaient de me sentir mieux l'espace d'un instant. Puis vint le fatidique déménagement. Ça nous arrive tous un jour. Je me mets à faire mes cartons et à l'époque, étant libraire, mon unité de mesure favorite, c'est la palette, qui peut contenir environ 20 gros cartons. Je commence à encartonner une première pièce qui au départ devait me servir de lieu d'entreposage de mes amis pour finir par devenir un lieu d'entreposage de mes nombreuses affaires. Je vois l'étendue du problème lorsque j'atteins déjà une palette de cartons et qu'il me reste encore la moitié de la pièce à vider et le salon, la cuisine, la salle de bain et ma chambre. Sans parler du mobilier et de la chambre du chat qui n'est lui absolument pas minimaliste non plus. Mon compagnon avec qui j'emménage a le même problème et la maison dans laquelle nous emménageons ne pourra clairement pas contenir toutes nos affaires. Et c'est finalement ça qui me motive à bousculer mes habitudes. Je cherche sur mon moteur de recherche préféré une solution et redécouvre l'univers du minimalisme dont j'avais déjà entendu parler sans vraiment me sentir concerné par ce truc. À l'époque, je croyais que c'était dormir par terre avec pour seule possession un sac à dos. Bien sûr, il existe des personnes qui vivent comme ça, mais tous ceux qui pratiquent le minimalisme ne sont pas allés aussi loin. Alors j'achète le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, à l'époque elle n'avait pas encore fait sa série sur Netflix, et je comprends 3 choses. Toutes mes affaires doivent être regroupées par catégorie pour être triées et rangées, l'important est de garder uniquement les affaires qui me procurent du plaisir, et chaque objet doit avoir sa place. Je décide donc de déballer tous mes cartons et de recommencer avec ces 3 principes. Je regroupe tous mes objets par catégorie et je commence par les vêtements, chaussures et accessoires que je pose sur le lit. Je prends conscience de l'ampleur de mes possessions quand mon lit s'écroule sous le poids. Bon d'accord, j'exagère un peu, mais quand même j'avais vraiment beaucoup de choses. Pour chaque vêtement, je me pose la question, est-ce qu'il m'apporte de la joie ? Je ferme les yeux et j'observe mon corps. Si quand je m'imagine le porter, je ressens du bien-être, je le garde. Sinon, je le mets dans une des autres catégories à donner, vendre ou jeter. Au début, c'est difficile, j'ai vraiment pas l'habitude de me poser cette question, j'ai une conception assez utilitariste de mes vêtements, et finalement, je me rends compte que je garde beaucoup de choses au cas où. Mais que ça provoque pas vraiment de plaisir, juste de la neutralité, voire des sentiments plus complexes comme la culpabilité ou même la tristesse. Par exemple, j'aime pas ce vêtement, mais je veux pas le donner, encore moins le jeter, car je l'ai payé cher, et je l'ai pas porté. Ou encore, il est trop petit, mais je le garde au cas où, un jour, je rentre à nouveau dedans. Et c'est comme ça que je me retrouve avec 6 bonnets, 7 manteaux, 35 paires de chaussures, 3 combinaisons de ski, alors que je sais même pas skier, mais juste au cas où. Puis je me laisse prendre au jeu de cette écoute de moi-même. Je m'y reprends à plusieurs fois. Le premier tri n'est pas très efficace. Le deuxième, j'avance vers la sagesse du minimalisme. Et quelques jours plus tard, le troisième tri est un succès. Une fois fini, je réduis par 4 le nombre de mes affaires. Je mets en vente les objets de la catégorie vendre, je donne et j'emmène à la déchetterie le reste de mes affaires. D'ailleurs, une application qui s'appelle Give permet de donner facilement. C'est un peu un Le Bon Coin, mais uniquement pour les dons. Ce qui ne m'apporte pas de joie me rapporte de l'argent, qui me permet de financer mes vacances. Puis vient l'emménagement, l'ouverture et le rangement de tous ces cartons. À nouveau, je fais ce tri. Pour certaines affaires, j'hésite, alors je range dans un carton et je me donne 2 mois de réflexion. Si elles ne m'ont pas été utiles, elles seront données ou vendues. Et bizarrement, je me rends compte que 90% de mes affaires ne m'ont pas manqué. Et voilà, cette chronique pourrait s'arrêter en vous racontant que nous vécurons heureux jusqu'à la fin de nos jours dans la joie et le respect de l'art minimaliste. Eh bien non. Quelques temps après l'emménagement, j'observe que dans certaines pièces, c'est rapidement le bazar, notamment la cuisine, la chambre, le salon, la buanderie, partout en fait. Et je prends conscience que ce tri doit être fait régulièrement. Alors, une fois par mois, j'installe une routine. Je vide complètement une pièce et je la range. Je mets tous les objets à disposition sans avoir besoin de déplacer quoi que ce soit pour me servir. Ça va vraiment éviter la flemme de ranger. Je pars d'ailleurs d'un nouveau principe. Si la ptiote ou mon compagnon n'arrive pas à ranger correctement, c'est qu'il y a un problème. Soit la place de l'objet n'est pas clairement identifiée, donc j'étiquette, soit c'est difficile d'accès, donc je change les choses de place et je les rends plus facilement accessibles. Bien évidemment, je fédère ma famille à ce nouveau mode de rangement, surtout après leur avoir montré la brochure des vacances qu'on allait se payer. Tout ça peut paraître fastidieux, d'ailleurs certains amis m'ont pris pour une dingue psychorigide, d'autres ont cru que tous les meubles n'étaient pas encore arrivés, mais certains, notamment ceux avec enfants, étaient plutôt heureux de venir chez moi. Au moins chez toi, j'ai pas peur que mon gamin y casse tes bibelots, hein. Et au bout de 7 années de pratique, c'est devenu très facile et un plaisir à appliquer. Et puis désormais, être minimaliste, c'est à la mode, donc pas d'inquiétude, vous serez tendance. Au-delà de ça, les bienfaits sont tellement nombreux. Déjà, le ménage me prend beaucoup moins de temps. Le robot aspirateur peut quasiment passer partout, en fait, sauf dans les escaliers. Pas besoin de bouger 36 objets pour faire la poussière. Faire le ménage, la lessive ou la vaisselle prend beaucoup moins de temps lorsqu'on garde uniquement l'essentiel. Les espaces, même petits, sont plus accessibles, clairs, spacieux. On peut s'y déplacer facilement sans se prendre le pied dans un meuble. Le minimalisme, en fait, c'est ressourçant. Être au milieu d'objets qui s'entassent, ça nuisait même à ma concentration. Je regardais régulièrement ces choses et j'étais facilement distraite visuellement. Du coup, j'ai plus de temps et d'énergie pour l'essentiel, comme partager des moments avec ma famille ou vivre des expériences. Je me sens légère, en paix, je sais exactement ce que j'ai. Et en fait, je me sens libre. Mes affaires les plus importantes tiennent dans un sac à dos, et j'ai pas de sac à main, tout tient dans mes poches. Le minimalisme, c'est aussi lutter pour l'environnement. Il s'oppose à l'obsolescence programmée, puisque je possède uniquement ce qui me sert. Du coup, mes achats sont plus réfléchis. En fait, finalement, ce sont mes affaires qui sont à mon service et pas moi qui suis au service de mes objets. Et pour ceux qui ne sont pas totalement convaincus, eh bien, je fais des économies et je récupère de l'argent en vendant des affaires inutilisées. Et si vous avez encore un doute, eh bien, regardez un documentaire sur le syndrome de Diogène, qui est un trouble pathologique. Les personnes qui en sont atteintes sont incapables de jeter et accumulent pendant des années des montagnes d'objets. Normalement, après avoir regardé ça, c'est beaucoup plus motivant pour passer à l'action. Une peur que j'avais, et que vous connaissez certainement, c'était de me séparer d'un objet et d'en avoir besoin après coup. Après 7 années d'expérience, je peux dire que ça m'est arrivé quelques fois, et en fait, confronté à ce regret passager, j'ai trouvé plein de solutions, comme l'emprunter au voisin par exemple, ou trouver une stratégie de remplacement. Et c'est assez incroyable la faculté créative que chacun peut déployer face à une absence d'objet. D'ailleurs, avant je rencontrais un autre problème, je ne savais plus que j'avais cet objet et je l'achetais à nouveau. Et finalement, j'utilisais les mêmes stratégies que maintenant pour le remplacer quand c'était pas possible de l'acheter. Avec les années, j'ai élargi ma vision du minimalisme. Consommer un peu plus local, durable, marcher plutôt que de prendre ma voiture, réduire mes fichiers informatiques. Et tout ça doit évidemment rester un plaisir. Si être minimaliste, c'est faire de terribles sacrifices pour vous, eh bien c'est que peut-être vous n'êtes pas encore prêt pour cette aventure et que c'est ok. Et si vous êtes motivé mais que votre entourage ne l'est pas, soyez simplement un peu patient. Commencez par vos affaires à vous et cela inspirera le reste de votre famille. Avec les enfants d'ailleurs, c'est plutôt simple. Nous avons rapidement introduit la notion d'argent de poche et une des manières de se faire de l'argent était pour elle de vendre ses affaires. Et même si elle ne partage pas totalement notre manière de pratiquer le minimalisme vu qu'elle n'a que 11 ans, elle a rapidement compris que ses anciens jouets pouvaient l'aider à en acheter de nouveaux. Bon, et si vos ados ne sont pas motivés pour le minimalisme, eh bien vous fermez la porte de leur chambre et tout de suite c'est beaucoup plus rangé et vide. Et il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer le minimalisme, c'est un mode de vie qui doit s'adapter à vous et non l'inverse. Et puis, vous n'êtes pas obligé de déménager pour vous imprégner de ce changement. Peut-être que simplement, le premier pas pour vous serait de donner quelques vêtements ou de revendre certains objets qui s'entassent sur vos étagères. Et un pas après l'autre, vous pouvez ressentir le plaisir de vous délester du superflu. Ou alors, vous pouvez prendre tous vos vêtements, chaussures et accessoires, les poser sur votre lit et prendre conscience de vos possessions. En tout cas, je vous souhaite une belle expérimentation et à bientôt pour une prochaine chronique Je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça, je m'en tape.